Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver pour ce 843e numéro de décrassage auditif, 100% garanti par tous les ORL d'Orléans et du Loiret. Donc ce soir, qu'est-ce qui vous attend? Bien sûr, survol de tous les genres et sous-genres donc, qui composent notre style musical préféré, bien sûr. Et aussi, quatre nouveautés qui viendront donc se greffer aux petites choses qu'il y a eu ces dernières semaines. Eh bien, si vous êtes bien installé, on va commencer tout de suite très rock'n'roll avec de ce qui était une des nouveautés donc de la semaine dernière, c'était la réédition du double live de Jimmy Page and the Black Crowes Live at the Greek, qui était sorti il y a 25 ans et là qui vient de ressortir donc avec, en version triple CD avec 18 morceaux bonus, dont principalement donc les morceaux des Black Crowes qui ne figuraient pas sur la version originale, question de droit. Donc on a maintenant vraiment le meilleur de ces concerts de l'époque. Si vous aimez donc le bon rock, Led Zeppelin ainsi que les Black Crowes, vous allez être vraiment comblés si vous ne connaissez pas cet album mythique. Donc un petit extrait avec un classique de Led Zeppelin repris donc par les Black Crowes featuring donc Jimmy Page, le classique Sick Again qui à l'origine donc figurait sur le mythique Physical Graffiti. We'll be right back. you doing? How you doing? I said, how you doing? How you doing? Man. All right, we got this for you right here, like this right now. We'll be right back. bien rock'n'roll ce début d'émission, n'est-ce pas? Donc avec deux extraits du Live at the Greek, réédition du live mythique de Jimmy Page, accompagné des Black Crowes. À l'instant, c'était un classique des Crowes, c'était le No Speak No Slave, qui initialement figurait sur leur deuxième album, le fabuleux The Southern Harmony and Musical Companion. Et autre classique avant Sick Again, qui lui était un grand classique de Led Zeppelin, qui est à l'origine figure sur Physical Graffiti. Enfin, je ne sais pas pourquoi je vous raconte ça, parce que je suis sûr que vous le savez déjà. Enfin bref, ces deux extraits sont extraits donc de la réédition de ce fabuleux live at the Greek. Et bien, on va se faire la première nouveauté. Alors là, on va changer complètement de registre. On va se faire un peu de progressive symphonique black metal avec le groupe Cora. Alors Cora, c'est un groupe international qui est à la base allemand, mais dont les membres sont français, irlandais, suédois, norvégiens et allemands, qui existent déjà depuis une bonne dizaine d'années. Et ils viennent seulement de sortir leur deuxième album qui s'appelle Anank. Il est sorti donc le 2 mai dernier, comme quoi c'est tout récent. Et donc, si vous voulez vous décrasser les esgourdes, c'est vraiment le groupe idéal. Donc, extrait de cet album, on va s'écouter d'abord Arcane Creation, un morceau qui met dans l'ambiance, vous allez pouvoir le constater. Yeah. atmosphère glauque et délicieusement macabre. C'était Cora avec On a Star Path et Arcane Creation, donc deux pour le prix d'un. Extrait de Anank, qui est donc leur deuxième album et également la première nouveauté pour eux ce soir. Faisons un tour maintenant du côté de New York, retour écouter du pur heavy metal avec les New Yorkais donc de Tower et leur troisième album Let's Air Be Dark. Et écoutons-nous Ironclad avec sa petite intro Legio X Fretensis. We'll be right back.

Losing More Than You Have Ever Had, grand classique d'Accept. C'était donc Udo Dirk Schneider sur son Balls to the Wall, donc Reloaded, où le gnome allemand était en compagnie du chanteur Michael Kiske, ce qui nous donnait un beau duo vocal. Et bien sûr, ça c'est dédié respectueusement à la mémoire de Fred Metalmaniac, qui nous a quittés maintenant il y a un peu plus de 7 ans. Fred, où que tu sois, on t'oublie pas, et j'espère que de temps en temps, tu jettes un œil là-haut sur nous, et voilà, bah, tu vois, Electric Shock continue. Donc, après, avant Dirk Schneider, donc, c'était du germanique, là, c'était de l'américain pur jus, puisque les New Yorkais de Tower et leur album Les Derby Dark, c'était Ironclad, et sa petite intro, Legio X Fretensis. Alors là, on va se faire donc la deuxième nouveauté de la soirée. Alors là, je pense que c'est quelque chose qui va certainement diviser les auditeurs, parce que selon vos critères, vous allez vous dire ça n'a rien à foutre dans l'émission. Certains vont dire ça, d'autres vont adorer, d'autres vont détester. Enfin, bref, c'est un groupe qui ne laisse pas du tout indifférent. Si vous connaissez, je parlais de Sleep Token. Alors, Sleep Token, c'est un groupe britannique qui existe depuis 2016 et qui a déjà sorti 3 albums qui ont fait parler beaucoup d'eux. Alors, c'est vrai que bon, il y a beaucoup de mystères autour des membres qui composent le groupe. On ne sait pas qui ils sont, il y a juste des pseudos. Le chanteur, c'est Vessel, les autres membres, c'est 2, 3 et 4. Ils sont masqués un peu comme Ghost, donc on ne sait pas du tout à quoi ils ressemblent. Sinon, musicalement, comment qualifier Sleep Token? C'est, on va dire, du métal alternatif, du post-metal, de l'indie-pop, plein de choses. Parce qu'effectivement, bien sûr, la base est métal, mais on y trouve également du R&B, de la soul, mais la soul actuelle, de la pop aussi actuellement, des arrangements très divers. Une production très, très chiadée, très actuelle, qui par contre, je pense, vieillira très mal, même si quand on écoutera ça dans 10 ou 15 ans, on dira « Ah, tiens, ça c'est un truc des années 2020 ». Par contre, c'est très bien foutu, c'est vraiment très difficile à cadrer. Je sais que j'avais entendu parler du groupe et je dois avouer que ça m'avait laissé, justement, ce genre de mélange m'avait laissé complètement de marbre en disant, oh là, c'est pas le genre de truc qui devrait me plaire. Mais bon, comme j'ai reçu l'album, j'ai écouté. Je dois avouer que la première écoute, je me suis demandé un peu ce que c'était que ce truc. Voilà, c'est la question que je me suis posée, un texto. Et au fur et à mesure des écoutes, je dois avouer que je trouve ça très intéressant et vraiment, je pense que, bon, ça, c'est clair que ça va diviser. Si vous êtes un pur et dur qui ne jurez que par AC/DC Motorhead, c'est clair que vous allez détester. Par contre, soyez curieux et vraiment donnez-les sa chance. Je pense que ce groupe a de quoi devenir un groupe énorme actuellement. D'ailleurs, il est assez énorme en Angleterre. Et le groupe d'ailleurs a ouvert pour Linkin Park quand même, excusez du peu. Donc, je parle, on va peut-être en écouter un peu. Extrait de Even in Arcadia, on va écouter Dangerous. I wish I could have known that look in your eyes would echo in mine and go back out of my mind across the line. When was the last time I felt like this? That desire and tainted place. It's like you're dangerous to we time here at your wake, celebrating the good times. I won't be mad, we played our parts, and those were the breaks. Maybe some things were hard, but so were the good, goddamn. But all things end, I can't have you back, but some things were better. Les Iconoclastes de Coheed and Cambria, voilà, ça aussi, ça c'est un groupe inclassable. C'était un extrait du dernier album Vax is Free, The Father of Make Believe, c'était Goodbye Sunshine. Et juste avant donc la deuxième nouveauté de la soirée, les Anglais de Sleep Token et leur quatrième album Even in Arcadia, c'était Dangerous. Un groupe vraiment à découvrir, faut vraiment écouter plusieurs fois pour apprécier. Croyez-moi, si vous, à la première écoute, là vous êtes resté circonspect, revenez-y. Et eh bien, on va se faire quelque chose qu'on avait oublié ces dernières semaines. On va revenir au premier album de Yojimbo, groupe de stoner rock à sonorité fuzz et teinte progressive, dont on a déjà passé quelques extraits depuis ces derniers temps. Donc, on va se faire un petit extrait de cet album et on va écouter à l'instant Unchained. We'll be right back. vraiment sympa, ça a gros potentiel. C'était donc Yojimbo, extrait donc du premier album Cycles. C'était le morceau Unchained. D'ailleurs, Yojimbo est chroniqué dans Rockard ce mois-ci avec une très bonne note qui est vraiment méritée. Et vous ne pourrez pas dire que Electric Shock ne vous avait pas prévenu. D'ailleurs, Electric Shock, c'est tous les mardis soirs sur Radio Arc-en-Ciel 96.2, le mardi entre 19h et 21h. Revenons à quelque chose de maintenant beaucoup plus rock'n'roll avec les Américains de Dirty Honey qui, fort de deux albums studio, nous sort déjà un premier live aux allures de Best Of qui s'appelle Mayhem and Revelry Live, enregistré à la fois aux États-Unis et en Europe. Et là, on va s'éclater les esgourdes avec Can't Find the Breaks, morceau qui donnait son titre à leur deuxième album. Rock'n'roll, n'est-ce pas, avec Dirty Honey, avec Satisfied et Can't Find the Breaks, donc tous deux extraits de leur live Mayhem and Revelry Live, sorti il y a quelques semaines. Un disque pas évident à trouver, puisque c'est un import US, donc pour attendre un pressage européen, à mon avis, il va falloir attendre un petit bout de temps. Eh bien, on va se faire la troisième nouveauté de la soirée, on va aller quelque part un peu plus près de chez nous, puisqu'on va aller à Boulogne-sur-Mer, découvrir le groupe Firewheel. Alors, Firewheel est un groupe qui existe déjà depuis 10 ans et ils ont déjà sorti un album et deux EP. Et là, ils viennent de nous sortir donc leur nouveau EP qui s'appelle One of Pawn and Kings, ce qui veut donc dire qu'il y aura certainement une suite prochainement, une deuxième partie. Alors, comment décrire Firewheel ? On va dire c'est du death metal groovy avec une pointe de black, enfin bref, comme du costaud. Eh bien, si vous voulez bien, on va découvrir tout de suite ce EP avec le morceau Unleashed. Go away! gun, then I pinch and I come with a beat, which you got to jump, gosh. Mummy, think you need a mirror, chip you need a hair, a kid, a bond, up, Napola, chill. Got it! L'avantage de la radio, ça je vous le dis souvent, c'est qu'on peut voyager à travers le temps et l'espace sans bouger le cul de son fauteuil. Et bien là, je vous ai emmené faire un petit tour à New Delhi. Et d'ailleurs, New Delhi, c'est le titre du nouvel album de Bloody Wood. Et c'était Hut qu'on vient de s'écouter à l'instant. Enfin, Juste avant Bloody Wood, par contre, plus proche de chez nous, puisque originaire du nord de la France, de Boulogne-sur-Mer, et leur nouvel EP, c'était le groupe Firewheel avec One of Pawns of and Kings, et c'était Unleashed, le morceau de ce soir. Eh bien maintenant, je sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi j'ai bien envie de me réécouter un petit peu de Brutal Pop. Alors si vous avez écouté la semaine dernière, vous savez de quoi je parlais, c'est-à-dire de l'artiste Son. Donc, elle a voulu faire quelque chose qui mélange pop et métal. En fait, comme me dit la bio, et je pense que c'est pas mal vu, c'est en fait, ça pourrait être l'enfant caché de Hall et de Gojira. Donc, du furieux, de temps en temps des accalmies, plein de choses intéressantes. Et Son vient de sortir son album Crystal Metal, c'était le 9 mai dernier. Et elle a quand même pu tourner quand même, elle a fait comme la première partie de Chaka Ponk 17 fois quand même. Donc, tournée des Zéniths et des Arénas de France, quand même, excusez du peu. 120 concerts sur 18 pays, sur 4 continents aussi. Et bientôt, au Hellfest, là au mois de juin, sur la main stage quand même, voilà. Donc, extrait de cet album Crystal Metal, ben, je pense un album qui définit bien ce qu'est Son, c'est Warrior Riot Girl. I'm okay, ça c'est pas moi qui le dis, c'était donc les Dijonais de Cutting Corners qui le disaient sur l'album Trampoline Park sorti au mois d'avril dernier. Et avant, Sun qui elle nous disait vraiment qu'elle était une Warrior Riot Girl, ça on n'en doute pas. Et c'est extrait donc de Crystal Metal, son dernier album. Et ben maintenant, faisons-nous un guitar-héro mythique du métal, Yngwie Malmsteen, avec son nouveau live Tokyo Live. Alors je vais pas vous redire tout le mal que je pense de son album live, qui, je dois avouer, m'a fortement déçu avec son allure de medley où tout n'est que prétexte à solo, à outrance. Et quand on voit la setlist, c'est vrai qu'on est impressionné. Malgré tout, malheureusement, c'était juste pour en jouer quoi, les deux minutes et puis le reste du temps, du solo. Bon, mais à sauver de ce naufrage quand même, son classique Far Beyond the Sun, qui est extrait de son premier album, nous montre quand même que le Suédois est toujours là et est toujours une pointure en matière de technique et qui leur montre encore à 60 ans passés à beaucoup de petits jeunes. Et c'est clair que Yngwie Malmsteen, il y a eu un avant et un après. Donc, allez, le classique Far Beyond the Sun, extrait du Tokyo Live. Arpeggios from Hells et Far Beyond the Sun, donc deux petits extraits du Tokyo Live de Yngwie Malmsteen, donc qui est un double CD plus DVD. Bref, c'est un des rares morceaux qu'on peut sauver, à mon avis, de cet album plutôt raté. Si vous voulez vraiment un bon live d'Yngwie Malmsteen, je vous conseille de vous rapprocher du Trial by Fire Live in Leningrad qui était sorti en 89. C'est vrai que maintenant, bon, c'était pas évident à trouver, et du live qui était sorti en 98. C'est vrai que tout ça, c'est pas récent, mais au moins, il y avait des vrais morceaux et non pas pas uniquement que des solos en veux-tu, en voilà. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on approche de la dernière demi-heure de l'émission et qu'on va se faire la dernière nouveauté de la soirée avec un groupe, pour ma part, que j'ignorais totalement l'existence avant de recevoir le CD, Bilbao Kung Fu. Alors, malgré le nom, ils ne sont pas espagnols. Ils sont bien de chez nous. Ils sont de Bordeaux. Ils existent depuis déjà quelques années. Ils ont déjà eu le temps depuis 2020 exactement, de sortir deux EP. Et là, c'est leur premier album qui s'appelle Où est passée l'innocence. Alors, que dire de cet album? C'est un mélange de pop, de rock musclé, de rock alternatif, de plein de choses. Et donc, on va se faire un extrait donc de ce premier album qui est tout chaud, tout bouillant, puisqu'il est sorti donc vendredi. L'album, donc, c'est « J'ai brûlé la voiture de mes parents ». Voilà, c'est le morceau de ce soir. Quelque chose que je vous conseillerais pas de faire. Mais enfin, bon, vous êtes assez grand pour savoir ce qu'il vous faut. J'ai brûlé la voiture de mes parents. De mes parents. J'ai brûlé la voiture de mes parents. De mes parents. Yeah. Plastic Roses, extrait de style le dernier EP de Lizatide. Lizatide, dont l'acronyme signifie Life is shit and then you die. Bon, c'est pas très joyeux, mais par contre, ça envoie bien, comme vous pouvez le constater. Juste avant Lizatide, c'était donc Bilbao Kung Fu avec son premier album Où est passée l'innocence? C'est vrai. Où est passée l'innocence? C'est la question qu'on peut se poser. Et on a écouté donc J'ai brûlé la voiture de mes parents. Bon, quelque chose que, bon. Qui n'est pas tellement à faire. Et ça, donc, c'était la quatrième et dernière nouveauté de la soirée. Et on attaque la dernière demi-heure d'Electric Shock. Et ben oui, Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Et c'est vrai que le temps passe très très vite quand on a de la bonne musique et qu'on est en bonne compagnie. Ça, je vous le dis à chaque fois. Et c'est vrai, je le pense toujours, depuis bientôt 20 ans. Et ben tiens, maintenant, allons faire un petit tour du côté du nord de la France. Retrouvez une des nouveautés de la semaine dernière, les rockers de Abigail et leur troisième album Escape from Reality. Et on va écouter donc Long Black Coat Chapter 2. We'll be right back. Excellent, le deuxième album de Smith Kotzen, l'association donc d'Adrian Smith et de Richie Kotzen. Adrian Smith, donc guitariste d'Iron Maiden. C'est Iron Maiden qui va commencer sa tournée européenne là dans quelques jours. Et qu'on va voir à Paris, à la Défense Arena, le 19 et le 20 juillet prochain. Ça promet quelque chose d'intéressant. Donc, extrait donc de Black Light, White Noise, leur deuxième album sorti il y a peu. Et bon, c'est vrai que c'est un petit moment que je n'avais pas diffusé. Et pourtant, je l'écoute vraiment en boucle. Venu du nord de la France, c'était donc Abigail qui nous présentait son dernier album Escape from Reality. Et là, on a écouté donc Long Black Coat, Chapter 2. Et bien maintenant, on va refaire un petit tour du côté de Bordeaux, vers le troisième album de Carcol, qu'on vous passe depuis déjà quelques semaines. Et je me suis aperçu que c'était déjà le dernier morceau de l'album. C'est vrai qu'il n'a que 6 morceaux, mais ouais, c'était une bien belle découverte que ce Twilight of the Mortals. Et là, on va écouter le morceau, un morceau épique qui s'appelle « My Prayers Are for Rain ». My Prayers Are For Rain, ça c'était extrait de Twilight of the Mortals, le dernier album des Bordelais de Carcol. Et maintenant, si on se faisait un petit peu de power metal, avec des revenants d'Electric Shock, eh bien, on va revenir à l'album de La Bionique de Lady Annabelle et on va s'écouter donc le morceau Bionique. We'll be right back. Lady Annabelle avec Bionic, et c'était extrait donc du dernier album, La Bionic. Bah, juste un moment, on a le temps de se faire un dernier morceau avant de se dire au revoir et de laisser la place à l'électro, puisque Christophe, il est là. Tiens, on va revenir au dernier EP de The Sound Comet, Billion Futures, et on va terminer avec Anhedonia. Bon, un petit souci technique. Là, visiblement, The Sound Comet, ça veut pas. Enfin, et comme vous pouvez constater, on ne triche pas, c'est du direct. Donc on va essayer de faire autrement pour pouvoir quand même vous passer ce dernier morceau quand même. Allez. Bon, on a quand même fini par le passer quand même, ce Anhedonia de Sound Comet, extrait de Beyond Futures. Donc, Electric Shock termine avec 4 minutes de retard. Merci Christophe. Donc, on a terminé en douceur et on se retrouvera la semaine prochaine, bien sûr, pour de nouvelles aventures avec plein de choses différentes. Et Aminé Clubbers, fan d'électro, Christophe est là. Je ne sais pas ce qu'il a vous proposé ce soir, on va voir ça tout de suite. Salut. Bonsoir à toutes et à tous. Un set, la Progressive House, la house plutôt planante, voilà. Un mélange de Progressive et puis de house, mais... Eh bien, Aminé Clubbers, c'est ce qu'il vous reste à faire. Electro Live, c'est tout de suite.